Cours numéro 10. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومن البراهين على وحدانية الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به أن الشريعة كلها محكمة في غاية الحسن والانتظام متصادقة أخبارها متفقة حقائقها متعادلة أحكامها وهذا برهان عظيم c'est une preuve claire de l'authenticité de notre دين ولله الحمد et que l'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé à son prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام فمن تأمل فيما أنزله الله سبحانه وتعالى فهذه الشريعة العظيمة أي la législation que Allah سبحانه وتعالى il a révélé à son messager صلى الله عليه وسلم il s'apercevra très très rapidement que cette législation elle est parfaite elle est adaptable à toutes les époques et à tous les lieux tous les endroits قال في غاية الحسن والانتظام متصادقة أخبارها il n'y a aucune contradiction متفقة حقائقها متعادلة أحكامها حتى هذه الأحكام tous les jugements tous les ordres les interdictions ولله الحمد tout cela c'est fondé sur العدل sur la justice et c'est pour le bien de l'être humain قال لا يمكن البشر أن يقترحوا مثلها في الحسن وموافقتها لكل نعم في الحسن وموافقتها لكل زمان ومكان نعم ما هذا لا شك فيه أن البشر les êtres humains ils ne pourront jamais apporter une chose équivalent à هذه الشريعة qui est adaptable à toutes les époques et tous les lieux قال ومجاراتها لجميع الأحوال بل ما اخترعه بعض الناس من الأنظمة والأحكام Ils sont toujours en contradiction. Certaines personnes, les mécrans, ils essayent d'apporter des choses, des lois en demain pour pouvoir gérer leur société. Là, tu trouves toujours des contradictions. C'est de la mécréance. Juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la croyance que c'est mieux que les lois d'Allah ou que c'est permis comme تقدم معنا كثيرا لكن مع هذا ils essayent de rassembler ils ne font que se diviser c'est pour ça que tu trouves des contradictions c'est pour ça que tu trouves toujours entre eux ils ne sont pas d'accord comment ils sont obligés de changer ils sont obligés d'apporter une nouvelle chose pour s'adapter à telle époque ou à tel lieu ثم ربما la fin ça finit par un coup d'état un renversement ثم ils inventent une nouvelle chose وهكذا يتخبطون في الظلم d'injustice en injustice أما دين الله سبحانه وتعالى فدين الرحمة ودين العدل c'est la religion de la miséricorde de la justice et elle est adaptable كما تقدم معنا صالح هذا الدين صالح لكل زمان ومكان قال وجيرانها على الهدى والرشد والسداد والصلاح لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا عبث ولا نقص ولا اختلال نعم لماذا لأنه دين الله عز وجل aucune contradiction dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aucun manquement tout est fondé sur la sagesse c'est pour ça qu'il n'y a pas d'abath l'abath c'est quelque chose d'inutile ولا نقص un manquement ولا اختلال un défaut, une faille, أبدا. قال وكلما أمعن فيها العالم البصير علم أنها أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب. نعم. كلما أمعن التمعن ça ressemble à التأمل. Le fait de réfléchir, de méditer. لكن بهذا الشرط العالم البصير. Celui qui a du علم, celui qui donne du temps à la science, celui qui est sincère, qui est véridique, qui est objectif. Qui ne cherche pas à rejeter ou la contradiction. فهذا بإذن الله عز وجل سيعلم أنها هذه الشريعة أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب. Il n'y a pas plus utile pour les cœurs que هذا الدين. هذا القرآن العظيم. هذه السنة النبوية. C'est les choses les plus utiles pour le cœur des êtres humains. قال وأنها أحسن الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتها. Tout ce qui concerne bien sûr l'adoration, وهكذا المعاملات, les transactions, tout ce qui est lié au commerce, etc. لا أنفع ولا أصلح ولا أحكم كهذا الدين. قال وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة. كذلك dans notre دين chacun a ses droits. الله سبحانه وتعالى إلى أعظم الحقوق. C'est de l'adorer seul, سبحانه وتعالى. On n'a pas le droit d'adorer autre que Allah عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حق عظيم. On doit le suivre. Et on doit revenir à son jugement, alayhi salatu wassalam. لماذا لأنه il a reçu la révélation. On n'a pas le droit de confronter la parole d'un autre avec celle de Nabi alayhi salatu wassalam. Ou de délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wassalam pour un autre. فله حق الاتباع. On doit le suivre et on doit l'aimer plus que nous-mêmes. وهكذا الله سبحانه وتعالى il a donné الحقوق aux parents sur leurs enfants. Il a donné حق عظيم au gouverneur sur son peuple. Il a donné le droit aux voisins. Il a donné le droit aux enfants, aux animaux. Chacun a ses droits. C'est pour ça que الشيخ رحمه الله il a cité هذا البرهان العظيم. لأن من تأمل هذا il n'aura aucun doute que ce dîn c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. قال وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة. قوله تفصيلها أي c'est détaillé. Si tu prends tout ce qui est lié مثلا au sujet du divorce, il y a un tafsil عظيم dans le Coran et dans le Sunna. Chacun ses droits. L'époux, il a des droits. L'épouse, elle a des droits. Kadalik, l'enfant, il a des droits. Kadalik, al-nafaqa. Si cette femme, elle est divorcée, elle a un droit. Min hayth al-mal. Son mari, il doit dépenser pour elle. Une certaine période. Wahakada, l'enfant. Wahakada, cette femme, avant de se remarier, il y a un délai. Enfin, chaque chose, walillahi alhamd, et c'était pour le bien-être de ces êtres humains. أما في غير الإسلام فظلم عظيم وكبير. أحيانا la femme elle a tous les droits et l'homme il a plus aucun droit. Dans certains endroits c'est le contraire, l'homme il a beaucoup de droits, la femme elle a aucun droit. Si on prend le sujet de l'héritage, فنفس الشيء. Chacun a son حق في الإسلام. Par rapport à ses besoins et Allah سبحانه وتعالى c'est le حكيم. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم تتمتها كثيرة وليست في الأصل. نعم ولا شك أن فولا سيتي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إما الشيخ رحمه الله إلا أبلجي إما سقطت في بعض النسخ وإلا فلا شك أن العلماء كنت سيت لفرسي لسيتي كومبليتمون. قال فنبه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهان العظيم. أي dans ce verset الله سبحانه وتعالى نبه عن هذا البرهان على هذا البرهان برهان. أفلا يتدبرون القرآن. أي celui qui médite sur ce Coran, il va s'apercevoir très très vite que c'est une législation parfaite. Le Coran c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. Et la preuve de هذا أن لو كان من عند غير الله. أي si ça serait la parole d'un autre, et ça ne serait pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Il y aurait beaucoup de contradictions. Limadha li'anna, l'être humain il se contredit à cause de manquement, à cause de l'ignorance, à cause de l'oubli, à cause des passions. Ahyanan muhim, l'être humain Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé min dha'f wa khuliq al insanu dha'ifa wa la shak annahu yatanaqad. الدليل دونك إلي واضح أن vu que dans ce Coran il n'y a pas de contradiction, donc c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. Donc Allah سبحانه وتعالى il existe, c'est le créateur et c'est celui qui mérite l'adoration seul. ثم قال فنبه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهان العظيم الذي هو من أعظم البراهين وأوضحها وأجلاها على أنه من عنده. نعم، أي لفت كن يبقى دو كونتراديكسيون. سي une preuve claire que ce Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'un être humain. وأنه حق كله وأنه وأن ما ناقضه فهو الباطل. Tout ce qui contredit هذا القرآن c'est le باطل. Pourquoi? Parce que le Coran c'est la vérité. Donc tout ce qui contredit ce Coran qui est la vérité, c'est forcément faux. C'est ça aqidatu al-mu'min. Et on doit faire attention, لأن on vit à une époque أن الكافرين يحاربون كتاب الله عز وجل. Et كذلك المنافقون يساعدون الكفار في هذا. C'est pour ça que le sens plutôt al-alfad, les mots, les versets, les sourates, ولله الحمد, ils ne peuvent pas les déformer. لماذا؟ لأن هذا القرآن il est محفوظ من عند الله عز وجل. Et المسلمون depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils l'apprennent par cœur et de génération en génération ils se le transmettent. فالحمد لله il est محفوظ. لكن يحاربون معانيه. Et ils utilisent une méthode pour déformer les sens, c'est de financer, de pousser, d'assister les hypocrites fihada et ahlul ahwa, ceux qui suivent leur passion, pour altérer, pour falsifier les sens. Ce mu'min, rubbama yaqra hadha al-kitab, il lit ce Coran, lakin il le contredit. Si on prend l'exemple de notre dîn, dînul islam. Notre dîn, dînul islam, قال الله عز وجل في القرآن, إن الدين عند الله الإسلام. La religion que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte, c'est l'islam. C'est la religion d'Allah عز وجل. Et dans l'autre verset, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Des versets clairs. مع هذا, tu trouves بعض المسلمين à cause de ces attaques min al kuffar et des hypocrites pour déformer les sens, ma hadha al wudouh, avec cette clarté de ces versets, la yaqulun, ils prétendent que les autres religions, tu peux pas dire qu'elles sont fausses. Ma'ana al Quran il est clair, lakin al shubha hakada, des ambiguïtés, wa hakada al insan il s'écarte du ilm et il s'écarte de ce Quran, hatta des idées qui sont fausses. Et c'est cité clairement dans le Coran que c'est complètement faux. Belle, c'est de la mécréance. Bah, tu trouves, wa'ad al-muslimin, ils ont des doutes. Wa'adhum, ils disent clairement. Ils disent clairement que tu peux pas dire que le christianisme, le judaïsme, c'est de la mécréance et c'est faux. Alors que dans le Coran, on a plusieurs textes. Et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, kadhalik. Là, on doit faire attention. Wa anna ma naqadahu fahuwa al-batil. Tout ce qui contredit hada le Coran, c'est faux. Même si c'est embelli par des paroles. Même si c'est dit par un tel et un tel. Même si beaucoup de gens, ils pensent cela. Le mu'min, le croyant, c'est un croyant. Pourquoi? Parce qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit en ses livres et en ses messagers. La source est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la voix du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas ce que les gens, ils pensent ou font. قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا حال المؤمن. Le croyant il est à la هذا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. تأمل هنا قال عز وجل الذين أوتوا العلم. لأن بعض الجهال, même s'ils ont la foi à cause de leur ignorance, ils peuvent dire des choses qui contredisent le Coran. فمثل la haula, ces ignorants doivent leur montrer la vérité. Amma alladhina utul ilm, ceux qui ont reçu la science, ils ont aucun doute. Anna ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, c'est la vérité. Wa yahdi ila siratil aziz il hamid. Et c'est le seul chemin pour être guidé. Tu ne trouveras pas la guidée dans autre chose. La guidée c'est dans l'islam. La vérité c'est dans notre dîn. قال أما جاء نعم ثم هنا إلى ستة دي أمثلة طيبة نقرأها. قال أما جاء هذا الدين بكل صدق وصدق الصادقين أما زجر عن الكذب وأبعد الكاذبين. Ce premier exemple, notre dîn Et il nous encourage dans beaucoup de textes, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'être véridiques. Et combien de textes annalent le mensonge, c'est interdit. Hada, c'est un burhan azim. Ça, c'est une preuve claire qui prouve l'authenticité de notre religion. L'imam Ali Anahad al-Din, il appelle qu'à ce qui est bon. Qala ama hatha ala al-adl al-kamil fi huquqillah wa huquq al-ibad. أما نهى عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد. كذلك ce din qui est la vérité, il appelle à être juste. العدل في حقوق الله وحقوق العباد. Tu dois être juste. في حقوق الله, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des droits sur toi. Et كذلك les êtres humains, ils ont des droits sur toi. فمن العدل, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. أما adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du ظلم. C'est de l'injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Min al-adl ma'a al-ibad wa min huquq al-ibad, qui sont fondés sur l'adl, anna tu ne dois pas te rebeller contre ton gouverneur musulman. La rébellion, c'est de l'injustice. Même s'il fait des péchés. Même s'il a des manquements. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré anna la justice, c'est de ne pas se rebeller. La rébellion, elle emmène quelle injustice? Qu'au trouble, qu'au tuerie, le sang il sera versé kathiran, et l'histoire elle le prouve. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que notre dîn c'est la vérité. L'an Allah Azza wa Jalla al-Hakim al-Khabir, il a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu salam la justice al-adl. Et il nous a mis en garde alayhi salatu salam contre l'injustice. On a cité que quelques exemples. Ouais, avec les parents, les voisins, il a akhiré. Enfin, chacun, il a son haq, comme Atakadam, chacun a son droit. Qala amanaha ani dhulm wal jawr wal shurur kulliha wal fasad. C'est pour ça que notre dîn, il nous interdit toutes les injustices. Toutes les injustices. Envers les autres. Wal shurur, le mal, al fasad, la corruption. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est la vérité. L'imam Anna, celui qui est doué de raison et qui est véridique et objectif, il acceptera que tous ces points que Shir il a cité, rahimahullah, c'est bien pour l'être humain. Même un kafir al-an, si tu lui demandes la justice et être véridique et le fait de s'écarter de l'injustice, du mal, de la corruption, le Cheikh Anna, il va accepter ces choses. Enfin, notre dîn, il appelle à ces choses. Lakin, huna un tambih muhim. لأن قد يقول قائل مم أنظمة الكفار الآن avec les droits de l'homme, la laïcité, etc. Ils appellent à ces choses. Là, هم c'est fondé sur l'injustice. Si on prend l'exemple du gouverneur, c'est leur système s'est fondé sur l'injustice. Anahu, une petite chose, ils font des élections et Obama, ils se débarrassent de ce gouverneur. C'est de la pure injustice. وهكذا, le fait de mettre au même niveau l'homme et la femme, c'est de l'injustice. Pour eux, c'est de la justice et c'est l'égalité dans notre deen. Là, chacun a son haq. L'imam, la femme, elle n'est pas comme l'homme. L'homme, il n'est pas comme la femme. Et chacun a des droits. Walillahi alhamd. Et le mu'min, yajib alayhi an yata'awun ma'a al-mu'mina wa hakada al-aks. Lakin le fait de se baser sur andhimat al-kuffar, c'est pas de la justice. Abadan. Qala amma. Na'am. أما تأسس على الإيمان والإخلاص والتوحيد les fondements de notre dîn. La foi, la sincérité et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونهى عما ينافي ذلك من الشرك والتنديد. هذا c'est العدل. C'est la justice. Notre dîn est fondé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la foi, sur la sincérité. قال أما أمر ببر الوالدين وصلة الأقارب وصلة الأقارب والإحسان إلى الجيران والمساكين والإحسان إلى عموم الخلق. وهكذا dans notre dîn, combien de textes sur le fait de donner de l'importance aux liens de parenté et ne pas les couper. والإحسان إلى الجيران, être bon envers son voisin. والمساكين, et les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. والإحسان إلى عموم الخلق. بل الإحسان إلى عموم الخلق. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان. Envers tout le monde. Chacun par rapport à sa situation. قال حتى البهائم العجم وأخبر أنه يحب المحسنين حتى البهائم. C'est pour ça que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait de faire du mal aux animaux. حتى مرة il a vu une bête attachée et cette bête elle avait la peau sur les os. فأن النبي صلى الله عليه وسلم il a réprimandé صاحب البهيمة. Et il leur a montré que هذه البهائم لها حقوق, elle a des droits. Des droits, l'insan il doit lui donner à manger, à boire. Si c'est une bête sur laquelle il peut monter, il monte sans lui faire du mal. وهكذا. قال أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد والأيمان ونهى عن الغدر والنكث والعدوان. كذلك ما يتعلق بالوفاء بالعهود, le fait de remplir ses engagements et de ne pas trahir. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. Quand tu as fait un acte, un contrat, un pacte avec quelqu'un, tu dois le respecter en tant que musulman. Ça nous montre أن هذا الدين il appelle combien. قال أما حث على فعل الأسباب النافعة في الدنيا والدين وأمرنا أن لا نعتمد عليها بل نعتمد على مسببها ونرجو فضل رب العالمين. كذلك أن dans notre دين on doit faire les causes, الأسباب النافعة, que ce soit pour الدنيا أو pour الدين. كما تقدم معنا dans التقريب باب القدر. لأن l'être humain il a besoin de faire certaines choses pour manger, pour boire, pour se déplacer. Enfin, tu dois faire les causes. Amma, le fait de ne pas faire les causes, c'est de l'injustice. Al-adlo, c'est de faire les causes. Bien sûr, al-asbab al-nafi'a, en s'écartant de tout ce qui contredit notre din. Hakada les causes pour din. Celui qui veut apprendre, il doit faire les causes. المؤمن son objectif c'est de rentrer au paradis, doit faire les causes. قال وأمرنا أن لا نعتمد عليها. Et on ne doit pas s'accrocher à ces causes. Là, on fait ces causes et ça reste une cause. أما الاعتماد c'est على الله. التوكل c'est على الله. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui gère tout. أما cette cause, ça reste une cause. قال أما أحل لنا جميع الطيبات وحرم علينا كل خبيث. وهذا كذلك سامبرهان عظيم أن دون الدين تسك الله سبحانه وتعالى وصو ميساج عليه الصلاة والسلام ينزو أطغيزي سمين الطيبات. C'est pour ça que والله الحمد on a le droit de boire toutes les boissons, l'eau, le lait, les jus de fruits, إلى آخر n'importe quelle boisson. Al-aslu, c'est le hil. Sauf les boissons qui pourraient nous faire du mal. L'alcool, ça fait beaucoup de mal. Et كذلك, tout ce qui pourrait faire du mal à l'être humain. فتأمل الآن الكفار. Et كذلك, بعض المسلمين الذين وقعوا في هذه المعصية, ils sont في شدة. Ils sont dans un énorme problème pour eux, l'alcool. Combien de morts par an ? Sur les routes, à cause de l'alcool. Combien de femmes battues, à cause de l'alcool. Combien d'enfants battus, à cause de l'alcool. Combien d'injustices, à cause de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala haram alayna hada. Hada al-burhan fil haqiqa yakfi. Celui qui réfléchit, anna hada din, c'est que pour notre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas interdit l'eau, ou le lait, ou les jus de fruits. Ça fait aucun mal. Ça fait aucun mal à l'être humain, c'est ça la base. قال وحثنا على كل امر نافع وحذرنا من المضار. Tout ce qui est profitable pour ton corps ou pour dunya ou pour ton din, Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a autorisé. Tout ce qui peut nous faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a interdit. Hada ça nous montre que notre din walillahil hamd il est fondé sur l'adl. فلهذا le croyant il n'adore pas une créature. Il n'adore pas un animal ou le soleil ou la lune. أبدا. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا المؤمن, celui qui applique son din, il fait tout pour avoir un bon comportement. Chacun est donné à chacun ses droits. كذلك consommer des choses halal, s'écarter des interdits, tout ce qu'on vient de citer. هذا ça prouve ماذا؟ Ça prouve أن notre din والله الحمد c'est la vérité. Mais cette peur que certains ils ont de l'islam, khassatan les athées, en général les kuffars, cette peur qu'ils ont de notre dîn, وبعضهم, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas véridiques, et ils s'entêtent à avoir cette image de l'islam. L'imam, ils ne veulent pas la vérité. Et d'autres, à cause de certains égarés qui ont sali l'image de l'islam, ça les repousse. فكما قال غير واحد من أهل العلم أن si المسلمون ils appliqueraient leur دين convenablement, correctement, tu trouverais la plupart des gens ils rentreraient dans l'islam. Comme c'était le cas à l'époque de As-Sahaba radiyallahu anhum. Quand ils rentraient fi balad, matalani, ils sont arrivés jusqu'en Indonésie, en Asie, et que qui sont rentrés vidinillah, pas avec al-jihad, comme ayadunul là, la grande majorité sont rentrés vidinillah, ils ont très vite compris que c'était la vérité. Et ils ont vu cette vérité, ils l'ont vu sur as-sahaba radiyallahu anhum. As-sahaba radiyallahu anhum, c'était des hommes, des femmes qui appliquaient leur dîn. Un très bon comportement. Ils respectaient leur engagement. Les gens, quand ils voyaient Hadal, ils étaient attirés. Ils vivaient dans des mujtama'at, dans des sociétés corrompues. Là. Ils voyaient Sahaba radiyallahu anhum. Avec cette vérité, ils acceptaient. Tout cela, ça nous montre quoi? Ça nous montre que Hadad-Din que les prophètes ils ont reçu et l'islam que le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé et qui a abrogé toutes les autres religions, c'est une des plus grandes preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Qala, ama amara bis-sabr 'ala al-makarih wash-shukr 'inda al-mahab wal-masar, et hadhihi c'est min al-akhlaq al-'azima, at-tayyiba. An al-mu'min, quand il est touché par une épreuve, il doit patienter. Et كذلك, si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un bienfait, il doit être reconnaissant. هذه الأوصاف, الصبر والشكر, tous les êtres humains doués de raison, ils aiment ce genre de comportement, la patience et la reconnaissance. Notre dîn, il nous encourage à être patient et à être reconnaissant. قال أمنهانا عن الهلع, أمنهانا عن الهلع والجزع. والجزع plutôt, والجبن والخور والأخلاق الرذيلة. Tous ces mauvais comportements, l'avarice, الجبن, le manque de courage, et نعم, l'avarice, tous ces mauvais comportements, enfin, dans notre dîn, on n'a pas le droit, on doit s'en écarter, on doit faire des efforts pour repousser ces mauvais comportements et appliquer les bons comportements. قال أما حثنا على القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخلاق الجميلة. Notre dîn, beaucoup de textes, أن المؤمن, il doit être courageux. Il ne doit pas tendre la main aux autres. خاصة s'il n'y a pas une nécessité, une grande nécessité, il ne doit pas se rabaisser vers les autres. Et كذلك, il doit être patient, comme تقدم معنا, être véridique, employer la douceur à sa place, employer la fermeté à sa place, être sage. قال أما أمر بكل معروف شرعا وعقلا وفطرة. C'est ça le résumé. Notre dîn, dans les textes, في القرآن والسنة, beaucoup de preuves sur tout ce qui est profitable pour l'être humain. شرعا وعقلا وفطرة. قال ونهانا عن كل منكر شرعا وعقلا وفطرة. Et tout ce qui pourrait faire du mal à cet être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a interdit. قال فما أمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسن الأمور وأعدلها ولا نهى عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأردلها. C'est pour ça que أهل العقول السليمة بهذا القيد. Vous avez remarqué que Cheikh Rahimahullah, souvent il cite Ahlul Uqul et il est doué de raison, lakin avec Had al-Qaid, al-Salim. Certains ils ont perdu leur raison. Des choses mauvaises, pour eux c'est bon, c'est bien. des choses bonnes pour eux, c'est mauvais. تأمل, on peut citer un cas, ما يتعلق ب التعدد الزوجات الزنا. أهل العقول السليمة, les doués de raison, leur fitra n'a pas été altérée par les idées corrompues des ennemis de l'islam, etc. Tu peux, n'importe qui pourrait citer plusieurs bienfaits, plusieurs mérites de la polygamie. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a autorisé. Beaucoup de bienfaits. Combien de femmes, elles n'arrivent pas à se marier? Combien de veuves? Les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. L'homme, il a certains besoins que, dans beaucoup de cas, une seule femme ne peut pas lui donner. Et, wallahi alhamd, cette femme, elle doit avoir son foyer, son mari doit s'occuper d'elle. Bien sûr, tout ce qui est lié avec le mariage, le contrat de mariage, la dot. Alhamdulillah. Tu ne peux pas trouver, un mal. C'est ça la base. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut pratiquer la polygamie, c'est forcément un bien. Là, celui qui n'a pas la capacité, voilà, celui qui est injuste, voilà, dans certains cas. Muhim, on ne peut pas tout détailler. Lakin, pour faire la comparaison, faqat. Les kuffars yubghidouna hada at-ta'addud. Les kuffars, ils détestent la polygamie. Ma'a hada, vous avez remarqué que ils appellent à l'an al-ibahiyya al-mutlaqa. Hatta pour eux, az-zina, c'est plus un crime. Bel wa'adhum, iyadun billah, yata'awanoun. Et pour eux, c'est une sorte de liberté. Il a akhir. Tajid wahad minhum, rubbama, dans la semaine, il a fait zina ma adri combien de fois avec combien de femmes. Et pour eux, ha'oula, ashab al-uqul, al-fasida, pour eux, c'est un signe de virilité. Il a akhir. Quand un musulman il se marie avec deux ou trois ou quatre femmes et il essaye d'être juste et alhamdoulilah, il fait ce qu'il peut, pour eux c'est de la barbarie. Ça nous montre quoi? Anna al-aql, s'il ne se soumet pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce aql il peut tout mélanger. Accepter les mauvaises choses et rejeter les bonnes choses. Tu peux prendre cet exemple kadhalik avec le hijab. Tu peux prendre cet exemple avec l'éducation des enfants dans beaucoup de domaines. قال ولا نهى عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأرذلها وضح العقائد الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بها وأوجبها وجعلها أساسا تنبني عليها الأقوال والأفعال وأمور الدين والدنيا وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي تصلح الأفراد والجماعات وتستقيم بها العبادات والمعاملات. هذا سان ريزومي طيب دو نوتر دين. تذكرون أننا étudié ensemble ou avec certains qui étaient présents une autre risala de Cheikh Saadi sur mahasin din al-islam, sur les mérites, les bienfaits de din al-islam. Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples concernant le mariage, concernant l'héritage, concernant les enfants, concernant Mohim, dans beaucoup de points pour montrer les mérites et les bienfaits de notre dîn, que c'est un dîn de justice. Enfin, alhamdoulilah, on avait étudié cette risale ensemble et on avait détaillé certains points. قال فأي خير وهدى وصلاة عاجل وآجل لم يبينه ويدعو إليه. C'est pour ça que tout ce qui est profitable pour l'être humain, tu le trouveras dans notre dîn. C'est pour ça que le musulman, tout ce qu'ils ont besoin pour leur dîn, et pour leur passage dans ce bas monde, tout ça, ils l'ont dans leur dîn. Tu ne trouveras pas une chose qu'on a besoin et qui n'est pas citée dans notre religion. Le manquement, il vient de nous. Mais notre dîn, wallah, alhamd, il est complet. C'est pour ça que Ba'adnes, ils essayent de trouver des solutions autres que dans le dîn, ils se font que du mal. Si tu viens apprendre le sujet du mariage, tu as tout ce qu'il te faut dans la religion. Le sujet du commerce, tu as tout ce qu'il te faut dans la religion. L'éducation des enfants, tu as tout ce qu'il te faut dans la religion. La salat, le siyam, la zakat, toutes ces adorations, wallah, alhamd, tu as tout ce qu'il te faut dans notre religion. فهذا كلامه هنا معنى كلامه وأي شر وفساد وضرر عاجل وآجل لم يحذر لم يحذر عن طرقه ومسالكه. وهكذا الانفيرس، tout ce qui fait du mal, toutes les mauvaises choses pour l'être humain, c'est cité dans notre din. Emma, en détail, Emma, tu auras des règles, qawaid kulliya, des règles générales qui montrent que cette chose, elle fait du mal. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. لماذا؟ لأنه c'était déjà propagé à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, enfin il l'a interdit, ça fait beaucoup de mal. ثم on a des qawaid, قوله عليه الصلاة والسلام, لا ضرر ولا ضرار. قوله عليه الصلاة والسلام, كل مسكر حرام. Tout ce qui rend ivre, c'est interdit. Donc, n'importe quelle chose qui rend ivre, c'est haram dans notre dîme. Même si tu ne trouveras pas dans le texte que c'est cité telle chose, telle boisson, tel aliment. Enfin, imma, notre dîme, il montre en détail, imma avec des règles générales. Enfin, à la kulli hal, tu trouveras toujours la solution dans notre dîme. Lakin, hada, ça demande du temps. Ça demande une étude, ça demande une recherche. Celui qui n'a pas la capacité, fait alou ahle dhikr. Il demande. Amma, un musulman qui ne fait pas d'effort et qu'il n'a pas de modèle à suivre, qu'il n'a pas un livre à méditer et à mettre en application, il se fera beaucoup de mal. قال واي اصل من اصوله وقاعده من قواعده وخبر من اخباره وحكم من احكامه ناقضته العلوم الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة. كذلك si on revient à notre dîn il est fondé sur des bases, des règles, أصول وقواعد. كذلك des أخبار, des informations, des récits, des أحكام, des jugements. Tout ça, ولله الحمد, tu trouveras que c'est pas en contradiction avec al-ulum as-sahiha, avec les sciences profitables. Si tu prends la science de la médecine, c'est une science profitable, en général, ça contredit en rien notre din. Abadan. Ça contredit en rien notre din. Bel, la médecine, ils ont beaucoup profité des livres de savants de l'islam, bihada. Qala, al-ulum as-sahiha, aw khalafathu al-uqul, والنظام المستقيمة كان هو الأنظمة المستقيمة. نعم حتى العقول, la raison d'une personne qui est cette raison, elle est encore claire, elle n'a pas été altérée par des choses qui contredisent le din, il ne trouvera aucune contradiction dans notre din. بل هذا si الدعوة lui parvient et Allah subhanahu wa ta'ala il le guide, فهذا il acceptera la vérité. قال بل قامت البراهين التي لا تنقض على أن كل شيء أسس على غيره فهو ضرر وخراب وكل بناء يبنى على غير تعاليمه وأحكامه فآخره الانهيار والتباب وكل نظام استمد من غيره فعواقبه وخيمة. نعم بل قامت البراهين التي لا تنقض. Des preuves claires qui montrent que tout ce qui est fondé sur autre que notre din, c'est que du mal. Ça pousse qu'à la destruction, ça pousse qu'à la contradiction, ça pousse qu'à la divergence. On répète cette risala pour le croyant, ça, c'est une cause pour que sa foi elle monte. Et c'est une cause kadhalik pour ce croyant, il soit reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le plus grand bienfait. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكبر نعمة يا أعظم نعمة pour l'être humain, c'est ce din. Donc on doit lui donner de l'importance, on doit lui donner de l'importance, on doit être reconnaissant. Et tout ce qui contredit notre din, c'est que du mal. لماذا؟ لأن الله عز وجل, c'est lui qui a créé العباد. Cet être humain l'un qui combat la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaye de faire des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala ila akhir, hada c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la vérité dans notre din. Et tout ce qui est profitable dans hada din al-azim. On n'a pas besoin de rechercher autre. Ba'd al-muslimin, ka'annahum ils ont un manque de qana'a et ils recherchent des solutions dans autre que din. La solution, elle n'est pas chez les ennemis de l'islam. Alors on doit bien être conscient de ça. Et on doit mettre en application ça. Ce n'est pas une simple parole qu'on dit avec la bouche. quand il nous arrive quelque chose à nous ou à nos enfants ou au moins dans notre vie, خلاص, on a plus de sources comme تقدم. هذا لا ينبغي. قال لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذا qu'on répète depuis le début. Pourquoi notre din il est parfait et ça renferme tout le bien et ça nous préservera de toutes les choses néfastes et des choses mauvaises. لماذا لأن هذا الدين شرعه celui qui l'a révélé, qui l'a légiféré, c'est عالم الغيب والشهادة. C'est celui qui connaît le visible et l'invisible. العزيز والحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hakim. Tout ce qu'il a révélé, c'est fondé sur le Hikmah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre les autres choses, autres que la révélation. Donc, هذا, ça nous montre clairement que on doit s'accrocher à notre din. قال الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وبرا وتكفل لمن قام به واستقام عليه بالسعادة والفلاح. ثم الله سبحانه وتعالى تكفل أي إلى أنصي عز وجل أن celui qui s'accroche à هذا الدين sincèrement, qui suit le prophète عليه الصلاة والسلام, qui fait des efforts, فالله سبحانه وتعالى تكفل بالسعادة والفلاح. أن cet être humain il réussira. Il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. قال وضمن لمن تعبد به ودان الله دان لله به الثواب والنجاح. Et celui qui met en application son din, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis anna هذا العبد sera récompensé ici-bas et dans l'au-delà. قال فهو اكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه. Enfin, ça fait partie des plus grandes preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال واعظم الايات الداله على حكمته وحمده وجوده وامتنانه فهو الهدى والرحمه والشفاء والنور. تامل هذه الاوصاف. Notre din c'est الهدى, la guider, الرحمه, la miséricorde, الشفاء, c'est une guérison, et النور, c'est la lumière. قال وهو الرشاد والصلاح لكل الامور. الرشاد والصلاح, la guider, et كذلك la réformation, elle se trouve في هذا الدين. قال رحمه الله, قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أما هنا une erreur. نعم إلى صراط العزيز, ils ont mis une dhamma, et الصواب c'est bien sûr une kasra. Ila sirat il aziz il hamid. Huna on met un tambih anna huna la chak c'est une kasra. Sirat il est mudaf et ism al aziz il est mudaf ilayh. Et al hamid dans l'i'rab huna ism al hamid il est badal min al aziz. Fa al aziz il hamid. Naam, hada c'est clair. Qala wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. ثم على فان ده هذا الفصل إلى ستة رحمه الله هذه الآيات كي بروف كنتر دين ولله الحمد سان دين كومبلي سان دين بارفي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله سبحانه وتعالى il ordonne العدل والإحسان. العدل c'est la justice, الإحسان c'est la bienfaisance. Être juste et bienfaisant. قال وإيتاء ذي القربى. نعم كذلك الحق دي زوتر. خاصه لي بروش ils ont des droits plus que les autres. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Et nous interdit الفحشاء les turpitudes, المنكر les mauvaises choses, والبغي l'injustice. Et يعظكم لعلكم تذكرون. هذا ça nous montre ماذا ان celui qui réfléchit الذي يتذكر لا شك هذا صعب تري تري زوتي. لماذا؟ لأن شاك إتر هومان إي فو لا جوستيس. شاك إتر هومان إي فو ريوسير. شاك إتر هومان إي إسبير إتر أورو. فتو سا تو لو تروفرا في هذا الدين. بلو الإنسان إيزيكار دو هذا الدين، بلو إي سوفورا دو مال. قال فلهذا القرآن وهذه الشريعة، فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكمل الصفات وأجل النعوت، ومخبرها في جميع مواردها ومصادرها يفسر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارها والتحقق بحقائقها وأسرارها. نعم، هذا القرآن كما قال له أكمل الصفات. أي أننا ديجا لو بوكو دو فوا أدلة في هذا، أنه هدى، أنه تبيان لكل شيء، أنه شفاء لما في الصدور. قوله يفسر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر، نعم دون بوكو دو فيرسي دو القرآن الكريم هكذا دي أحاديث البروفيت عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الأوصاف العظيمة، كساسوا العدل كساسوا الإحسان le fait de s'écarter de le fahsha ou le munkar etc. tout ça c'est détaillé dans notre din. Il a cité ces versets, les malades, il y en a, c'est des versets qui sont général, global, qui renferment beaucoup de sens. Wa illa va at tafsir de hadhihi al awsaf al azima, bien sûr c'est dans les textes. Hada faslun nafis, un chapitre très important. Wa lillahi alhamd. On a réussi à le terminer. On passe à notre deuxième dars. On essaye de lire le chapitre suivant. Inch'Allah ta'ala.